Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et présentement, donc, 8h21, et c'est le moment de recevoir Sophie Laforêt dans le cadre de Stérotonine. Bonjour, Sophie. Bon matin, Simon. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Good. Je vais me lancer sans plus tarder. Je sais qu'on a, il y a un horaire chargé aujourd'hui. On va avoir des nouvelles du budget, c'est ça? Ben oui, François Landry est supposé venir nous parler de ça un petit peu tantôt. Bien curieuse d'entendre son opinion là-dessus. J'ai comme une idée de pas mal ça doit être quoi, là, mais on laissera on s'exprimer. On va avoir plus de détails. Ouais. Donc, c'est ça, juste mentionner deux sorties CD intéressantes de la semaine. On peut pas passer à côté du quatrième album de Carquois qui est paru mardi, mm-hmm. Les Chemins de Verre. On a entendu justement l'extrait, la pièce titre de l'album à plusieurs reprises durant la semaine dernière à C'est fou. Ça a passé ici aussi cette semaine. Le matin, on la passe des fois. Dans l'émission du matin, on s'appelait On Déjeune. Oui. Et sinon, il y a un deuxième extrait que j'ai eu la chance d'entendre, Pyromane. Puis c'était très bon aussi. Je pense que c'est la première pièce de l'album. Donc, à découvrir. Et je vais me procurer cet album-là, absolument. Dans ce cas-là, un téléchargement, c'est pas suffisant. Je veux avoir la pochette que je trouve très jolie. Et sinon, de l'autre côté de nos sorties CD d'aujourd'hui, du côté anglophone, le duo de frères et sœurs Angus and Julia Stone qui ont fait paraître un deuxième album du nom de Down the Way. Hey, c'est bon, ça. Ça, c'est super bon. Oui. Leur premier album, A Book Like This, qui est paru en 2007, là, je l'ai écouté en boucle. C'est absolument délicieux pour ceux qui aiment le folk, blues, guitare acoustique, un incontournable. Donc, duo de frères et sœurs de l'Australie, Angus and Julia Stone. Sinon, pour aujourd'hui, le thème de ma chronique, en fait, c'est simplement une petite suggestion musicale d'une artiste, encore une fois, pas de l'Australie, mais pas très loin, de la Nouvelle-Zélande, qui se nomme, en fait, le nom du projet se nomme Bachelorette. Et avant d'en parler, on va aller entendre un extrait pour vous donner un avant-goût de sa musique électronique planante avec un petit côté funk. On va entendre la pièce Mind Rap, tirée de son deuxième album My Electric Family. Très bien, voici Bachelorette avec Mind Warp sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. On s'appelle Léon Desjeune, c'est Stéréotonine avec Sophie Laforêt. Fake it's us. We'll go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Non, on ne sait jamais. Oh. Ah, oui, vas-y. Moi, j'étais prête, là, j'étais dans le fil d'action. C'était Bachelorette, un projet de la Nouvelle-Zélande avec la pièce Mind Rap tirée du deuxième album My Electric Family. Et ça, ça se retrouve sous l'étiquette Drag City Records. Et il y a notamment une autre formation qui se nomme Lights, qui fait dans quelque chose de similaire, c'est-à-dire pop rock, planant, mais avec un petit côté funk. T'as-tu senti la petite touche funk? Oui, mais oui. Mais ça paraît déjà au début. Hey, ça paraît, hein? Il y a la guitare qui fait quoi, quoi, quoi, quoi. Exact. Ça, c'est un bon indicateur de funk. Donc, en fait, j'ai eu la chance de la voir lundi. Je me suis rendue à Montréal pour voir Beach House. Et c'était la première partie. Et ça a vraiment été très plaisant. Ça n'a pas été partagé nécessairement par l'ensemble du groupe avec qui j'étais. Il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu trop bonbon comme musique. Ils garageaient des tomates. Oui, on avait emmené, ben pas moi, mais eux. Eux. Donc c'est ça, ils ont dit que c'était un peu trop bonbon. Moi, j'ai dit, si ça avait été un groupe devant moi, peut-être que j'aurais trouvé ça un peu bonbon. Mm-hmm. Mais en fait, c'est une dame qui est seule et qui fait l'échantillonnage et qui construit les pièces devant public de A à Z. Puis moi, c'est ça que je trouve très intéressant. Donc, l'échantillonnage, c'est bien plaisant. Ben oui. Et donc, c'est ça. Donc, c'est cette dame qui va faire l'ensemble de la tournée, la première partie de Beach House dans leur tournée de leur dernier album Teen Dream. Et donc, c'est une excellente première partie qui est en parfaite cohésion avec le groupe, donc Beach House aussi. Un excellent choix de première partie. Donc, pour ceux qui aiment la musique électronique planante avec justement un petit côté funk à l'occasion qui revient, je vous conseille fortement cette découverte. Et sans plus tarder, on va aller entendre un deuxième extrait. Deuxième pièce, sélection musicale. Du même album, toujours, My Electric Family, qui est paru en juin dernier. On va entendre la pièce Donkey, qui est un peu plus mollo cette fois-ci. Très bien, donc on va entendre ça toujours sur les ondes de C'est fou 89.1 FM avec Sophie Laforêt dans le cadre de sa chronique Stéréotonine. On s'appelle On est jeune, ça c'est jusqu'à 9h. Voici Donkey, Bachelorette. When destruction